Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la quatrième émission d'Oxfam consacrée aux différents types d'inégalités. Après avoir vu les inégalités hommes-femmes et les inégalités éducatives, mes camarades Quentin, Asmik et moi allons aujourd'hui vous parler des inégalités de santé et d'accès aux soins médicaux. La santé est la chose la plus importante qu'un individu puisse posséder. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Pas de travail, pas de sport, pas d'études et pas de projet. D'ailleurs, je me demandais, quelle est la chose que vous aimez le plus et que vous ne pourriez pas faire si vous n'étiez pas en bonne santé? Quentin? Bah, moi particulièrement, j'adore faire du sport, donc tout ce qui est courir, etc. C'est vrai que si j'étais pas en bonne santé, ça serait beaucoup plus compliqué quand même. Et vous, Jean-Paul? Bon, bah, du haut de mes 60 ans, un peu plus, ça devient préoccupant. Et si on n'a pas un système de santé en proximité et de qualité, ça peut être très grave. Nous sommes donc d'accord sur le fait que la santé est fondamentale à notre bien-être physique et mental. D'ailleurs, elle est si importante que la protection de la santé est citée dans l'alinéa 11 du préambule de la Constitution française de 1946. En effet, ce dernier explique que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Mais malgré son importance, tous les individus n'ont pas la même possibilité d'avoir une bonne santé et le même accès aux soins. Et ces inégalités peuvent être liées à différentes choses que nous allons voir. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose de commencer par une définition. Selon le site internet du gouvernement français, les inégalités de santé se définissent comme les différences d'état de santé entre les individus ou les groupes d'individus liées à plusieurs facteurs. Les facteurs en question peuvent être les revenus, le métier, le lieu de vie, le pays ou encore le sexe. En effet, en fonction de ces facteurs, notre état de santé et notre possibilité d'accéder à des soins médicaux vont fortement varier. Il existe ainsi différents types d'inégalités de santé que nous allons étudier. Commençons tout d'abord par les inégalités de santé dues à notre lieu de vie. Je parle ici en particulier du fait de vivre en ville ou à la campagne. Vivre en campagne nous assure indéniablement une meilleure santé, car nous nous trouvons plus proches de la nature, ce qui nous donne la chance de respirer un air moins pollué. D'ailleurs, vous préférez vivre en ville ou à la campagne? Bon air du ballon d'Alsace, c'est bien. Et toi, Quentin? Bah, pour moi qui ai l'habitude d'aller à la montagne, honnêtement, c'est bien d'être en ville pour les infrastructures, mais le reste, tout ce qui est rapport à la nature et aussi bien-être, c'est vrai que c'est beaucoup mieux si on est en pleine nature et plutôt à la campagne, oui. En effet, au-delà de l'air pollué, vivre à la campagne représente de nombreux avantages. La campagne possède beaucoup moins de pollution sonore, cela réduit donc notre stress et favorise notre santé mentale. De plus, le fait de vivre à la campagne favorise notre système immunitaire, car notre corps est exposé à des micro-organismes de l'environnement. Cela est moins le cas en ville. Ces observations ont été faites dans une étude menée par la Harvard University Public Graduate School. Les chercheurs ont analysé les données médicales de 108 630 femmes issues de la Nurse Health Study aux États-Unis entre 2000 et 2008, afin d'évaluer le lien entre le risque de mortalité et la présence de végétation autour de leur domicile. Les résultats sont parlants. Les 20% de femmes vivant dans les environnements les plus verts présentaient un taux de mortalité inférieur de 12% par rapport à celles vivant dans des zones moins végétalisées. De plus, les femmes entourées de davantage de verdure avaient un risque de décès par maladie respiratoire réduit de 34% par rapport à celles vivant dans les espaces moins verts. Avec tout cela, nous comprenons donc que les personnes qui vivent à la campagne sont en meilleure santé que nous. Cependant, même si cette dernière est meilleure, l'accès aux soins médicaux est plutôt limité comparé à la ville. En effet, en campagne, il y a beaucoup moins d'hôpitaux, par exemple, mais il est tout de même possible d'y accéder en voiture. En revanche, dans les endroits plus éloignés où l'activité économique est plus faible, l'accès aux services de soins est désastreux. Effectivement, je fais ici référence aux déserts médicaux. Ces derniers ont deux dimensions. Une dimension spatiale, c'est ici lié au fait qu'une grande distance sépare les patients et les médecins. Par conséquent, les patients doivent parcourir une longue distance pour obtenir une consultation. Et une dimension temporelle. Cette dimension fait référence aux nombreux patients qui sont présents pour un nombre de médecins moindre. Selon l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, près de 6% des Français vivent dans un désert médical. La naissance de ces endroits a plusieurs causes. Dans un premier temps, cela est dû à la baisse du nombre de médecins généralistes, car ceux diplômés dans les années 70 et 80 partent en retraite. C'est aussi dû à la hausse de la population qui a augmenté de 1%. Ensuite, la cause est faible attractivité de certains territoires français. En effet, on parle ici principalement des territoires du centre-nord de la France et des départements d'outre-mer. Ceux-ci ont plusieurs points communs, tels qu'une faible activité économique, peu d'infrastructures et peu de commerce. C'est ainsi que les médecins ne souhaitent pas s'installer dans ces zones. Les déserts médicaux ont ainsi plusieurs conséquences. Dans un premier temps, les files d'attente avant de pouvoir consulter un professionnel sont de plus en plus importantes, ce qui dégrade davantage la santé des patients. Ensuite, cette aggravation de leur état de santé conduit donc les patients à aller aux urgences. Enfin, les déserts médicaux dégradent le parcours de soins coordonnés. C'est le fait que tous les soins que subit une même personne soient réalisés par un même médecin traitant. Cela permet ainsi de coordonner les soins afin d'assurer un meilleur suivi médical. De plus, cela garantit un meilleur remboursement. C'est ainsi qu'en campagne, si un médecin part en retraite et qu'il n'est pas immédiatement remplacé, les patients subissent une rupture dans ce parcours de soins. On constate donc une forte inégalité d'accès aux soins entre les personnes vivant en ville et à la campagne. La ville est dotée d'une activité économique plus importante, de plus d'infrastructures et de commerces, la rendant ainsi plus attractive pour les médecins. Par conséquent, les individus vivant en ville ont un accès aux services de santé facilité. Et paradoxalement, c'est pollué en ville, voilà. Oui aussi. Donc, c'est une problématique intéressante. Je vous propose désormais de réaliser une petite pause musicale avec la musique How to Save a Life de The Fray. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I would have stayed up with you all night. Had I known how to save a life. Let him know. Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Les inégalités de santé entre les pays développés et émergents sont aussi très présentes, mais ont considérablement baissé avec le temps grâce à leur croissance économique. Au Brésil, par exemple, l'espérance de vie est passée de 66 ans en 1991 à peu près 77 ans en 2019 selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Cependant, cette réduction est à nuancer, car elle est toujours bel et bien présente. En effet, les inégalités de santé entre les pays sont corrélées à leurs moyens économiques. Les pays les moins aisés ont des services de santé beaucoup moins importants et beaucoup moins efficaces. Effectivement, dans ces pays, on retrouve beaucoup moins d'infrastructures de santé, telles que des hôpitaux et des laboratoires de recherche, par exemple. Par conséquent, les habitants de ces pays ont une possibilité de se soigner qui est moindre, ce qui crée des inégalités de santé. Cela pousse ainsi les pays plus aisés à aider ces pays moins développés. Nous pouvons citer l'exemple de la France, qui, lors de la crise du Covid, a envoyé des vaccins en Afrique et en Asie. Notons aussi que la langue que l'on parle peut aussi créer des inégalités de santé. En effet, dans un contexte de mondialisation et de flux de population constant, différentes cultures sont présentes sur le territoire français. C'est ainsi que ces individus ne parlent pas tous la langue du pays et cela impacte fortement leur prise en charge médicale, car la communication est mauvaise. Cela peut donc entraîner diverses conséquences allant d'une insatisfaction tant chez les praticiens et les patients jusqu'à des erreurs médicales pouvant affecter directement la prise en charge et le rétablissement du patient. Les inégalités d'accès aux soins entre les pays sont aussi présentes à cause des conflits géopolitiques. En effet, la guerre a notamment poussé les populations à se déplacer, ce qui limite leur possibilité d'avoir un suivi médical constant. De plus, la guerre dégrade aussi les infrastructures de soins des pays concernés, ce qui empêche les habitants d'être soignés. Par ailleurs, les conflits créent de nombreux blessés et la faible présence de médecins sur place favorise le nombre de décès ainsi que les infections, dégradant ainsi l'hygiène de vie. Nous pouvons ici citer le conflit israélo-palestinien qui a fortement dégradé les conditions de vie du peuple palestinien. En effet, de nombreux hôpitaux ont été détruits par les bombardements israéliens, limitant ainsi la présence de services de soins sur le territoire. De plus, la Palestine étant un territoire en guerre, cela limite l'importation de nourriture et de produits de santé. Cela dégrade ainsi davantage la situation de la population ainsi que la situation sanitaire. Aujourd'hui, la Palestine traverse une crise sanitaire profonde qui ne se limite pas à l'absence d'infrastructures médicales. L'accès à l'eau potable représente une préoccupation majeure. Et comme l'a énoncé Amélia, les frappes et les blocus ayant gravement endommagé les réseaux de distribution. En conséquence, une grande partie de la population est contrainte de consommer de l'eau contaminée, entraînant une recrudescence des maladies hydriques comme la dysenterie et le choléra. Cette situation a agrafé la mortalité infantile et fragilisé davantage les populations déplacées. Par ailleurs, le froid et le manque d'abris adaptés constituent un autre facteur alarmant de mortalité. En février 2025, au moins 6 nourrissons ont succombé à l'hypothermie en raison de l'absence de chauffage et d'abris adéquats. Avec des températures nocturnes descendant sous les 10 degrés, les conditions de vie précaires sous des tentes de fortune se sont révélées particulièrement meurtrières pour les plus vulnérables. Cette crise humanitaire souligne l'urgence d'une intervention pour garantir l'accès aux besoins essentiels et réduire la mortalité infantile qui ne cesse de s'aggraver dans ces conditions extrêmes. Merci Quentin. Il existe aussi des inégalités en fonction du niveau de revenu. Les inégalités d'accès aux soins médicaux sont fortement corrélées à ce que l'on gagne. En effet, dans les pays développés, malgré le fait que les systèmes d'assurance existent, les personnes qui ont des revenus faibles font tout de même face à des difficultés pour se soigner. Selon l'OMS, une personne sur trois dans les pays à revenus élevés renonce parfois à des soins de santé pour des raisons financières. C'est ainsi que les revenus étant corrélés à l'appartenance ou non à une classe sociale, celles qui sont plus favorisées ont plus de possibilités de se soigner. Au-delà des services de soins qui contribuent à notre bonne santé, le mode de vie joue aussi un rôle crucial. Un mode de vie sain est plus sujet à nous rendre en bonne santé. Cependant, cela est réservé aux catégories plus aisées de la population. En effet, avoir un mode de vie sain a un certain coût. Par exemple, les personnes issues de milieux favorisés ont plus de moyens pour pratiquer des activités sportives et acheter des aliments sains, contrairement aux classes sociales défavorisées. En effet, selon le journal Le Monde, plus l'individu de référence du ménage est diplômé, plus l'accent est mis sur des critères de qualité du produit, provenance, mode de production, signe de qualité ou composition nutritionnelle. Au contraire, la priorité est le prix, la marque ou les offres promotionnelles lorsque le niveau d'études diminue. De plus, une étude a montré que les classes sociales les moins favorisées sont plus sujettes à consommer de l'alcool et à fumer, contrairement aux classes plus aisées. Le tabac serait donc un marqueur social Car comme le montre le journal Le Monde, entre 2010 et 2016, le pourcentage de fumeurs quotidiens a continué d'augmenter chez les Français à faible revenu, passant de 35,2% à 37,5% de cette catégorie sociale. A l'inverse, chez les Français à haut niveau de revenu, cette proportion est passée de 23,5% à 20,9% en 6 ans. C'est ainsi que les classes sociales les plus favorisées sont plus sujettes à être en bonne santé. Enfin, la santé dépend aussi du métier que l'on exerce. Effectivement, en fonction de celui-ci, notre santé et notre espérance de vie ne sera pas la même. Cela s'explique par le fait que les classes sociales défavorisées occupent le plus souvent des métiers physiques, tels que le métier d'ouvrier par exemple. Nous pouvons aussi citer les travaux de nuit qui impactent fortement le sommeil des salariés. Cela a donc un fort impact sur la santé physique, ce qui se répercute donc sur l'espérance de vie. Cependant, les classes sociales favorisées vont plus s'occuper des postes à haute responsabilité qui s'exercent le plus souvent dans des bureaux. Ils sont ainsi moins physiques et plus intellectuels, ce qui favorise l'espérance de vie. En France, l'espérance de vie reste marquée par d'importantes inégalités sociales. Selon l'INSEE, d'une étude de 2024, un cadre de 35 ans peut espérer vivre en moyenne 5,3 ans de plus qu'un ouvrier. Et l'écart est de 3,4 ans chez les femmes. Ces différences s'expliquent par des conditions de travail plus pénibles, une exposition accrue aux risques professionnels, un accès aux soins souvent plus difficile et des habitudes de vie influencées par le niveau de revenu. Résultat, le risque de mortalité prématurée est presque deux fois plus élevé chez les ouvriers. Malgré les avancées en santé publique, ces écarts persistent et interrogent sur les moyens de réduire ces inégalités. Je vous propose désormais une seconde pause musicale avant d'enchaîner avec les solutions d'Oxfam pour lutter contre ce type d'inégalité que Asmik vous présentera. Show me a girl. just lay here? Would you lie with me and just forget the world? Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Donc on a vu précédemment que les inégalités de santé constituent l'un des aspects les plus frappants des inégalités sociales et économiques dans le monde. Elles se manifestent à travers des écarts significatifs dans l'espérance de vie, l'accès aux soins, la qualité des traitements médicaux et les conditions sanitaires. Selon Oxfam, ces inégalités sont renforcées par des systèmes économiques et politiques qui favorisent les plus riches et marginalisent les populations vulnérables. Il y a un fossé entre les riches et les pauvres face à la santé. Le rapport d'Oxfam, Les inégalités tuent, de janvier 2022, met en évidence un fait alarmant. L'inégalité économique se traduit directement en inégalité de santé. Une personne meurt toutes les 4 secondes à cause des inégalités économiques, soit environ 21 000 décès évitables par jour. Ces décès sont liés à l'incapacité d'accéder aux soins, à la malnutrition et à l'absence de services médicaux adéquats. La crise du Covid-19 a accentué ces inégalités. Les plus riches ont bénéficié des meilleurs traitements, tandis que les populations précaires sont souvent en première ligne. Personnels soignants, travailleurs essentiels ont été les plus exposés et les plus touchés. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un impact du genre sur l'accès aux soins. Selon Oxfam, les femmes et les filles effectuent 12,5 milliards d'heures de travail de soins non rémunérés chaque jour, ce qui les prive souvent d'un emploi stable et d'un accès aux soins de santé. Maintenant, voyons les inégalités de santé au niveau mondial. Dans certains pays, les 20% les plus riches ont 2 à 3 fois plus de chances d'accéder à des soins médicaux que les 20% les plus pauvres. Et le manque d'infrastructures médicales et de personnel de santé qualifié entraîne des délais d'attente élevés et une prise en charge insuffisante pour les plus démunis. Il est important de voir les causes principales des inégalités de santé. Ça peut être le sous-financement des systèmes de santé publics, et Oxfam dénonce d'ailleurs la privatisation croissante des soins médicaux qui bénéficient aux riches tout en excluant les plus pauvres. Ensuite, il y a les inégalités de revenus et l'accès aux soins, et enfin le rôle des grandes entreprises pharmaceutiques. On va voir maintenant les solutions proposées par Oxfam. Face à cette crise des inégalités de santé, Oxfam propose plusieurs mesures concrètes. D'abord, investir massivement dans la santé publique, donc augmenter les budgets dédiés à la santé pour assurer des services accessibles et gratuits pour tous, renforcer la formation des professionnels de santé et améliorer leurs conditions de travail, ainsi que développer les infrastructures médicales, notamment dans les zones rurales et défavorisées. Aussi, réduire les inégalités économiques pour améliorer la santé. Donc taxer davantage les plus riches pour financer des systèmes de santé équitables et mettre en place un revenu minimum universel pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation et des conditions de vie dignes. Il serait aussi bien de réguler les multinationales du secteur pharmaceutique, donc limiter les prix des médicaments essentiels pour les rendre accessibles aux plus démunis et favoriser la production locale de médicaments dans les pays en développement. Et enfin, promouvoir l'égalité de genre dans l'accès aux soins. Assurer un accès universel aux soins de santé reproductifs pour toutes les femmes, valoriser et rémunérer le travail de soins non rémunérés effectué par les femmes, et enfin, lutter contre les violences de genre et garantir une prise en charge adaptée des victimes. Pour conclure, les inégalités d'accès à la santé restent une préoccupation majeure, influencée par des facteurs économiques, géographiques et sociaux. Malgré certains progrès, des disparités persistent, notamment entre zones rurales et zones urbaines, ou entre pays développés et émergents. Des mesures concrètes comme le renforcement des infrastructures et des aides financières sont essentielles. Sensibiliser et mobiliser les acteurs publics et citoyens demeure crucial pour garantir un accès équitable aux soins, enjeu à la fois sanitaire et social. Un grand merci pour cette émission et cette quatrième qui termine un cycle avec vous, étudiante de l'IAE. Oui. J'étais vraiment ravi de vous accompagner, Elliot à la technique, Quentin, et puis le fameux mot Oxfameur. Oxfameur, voilà. Oxfameuse. Donc vous faites presque partie de l'Oxfamily, hein, parce que tout doucement, on verrait bien de quoi l'avenir sera fait. Un petit mot aussi de conclusion par rapport à l'actualité du groupe local. avec ce fameux Trail Walker les 7 et 8 juin prochains, qui va se trouver à Nancy, autour de Nancy, une boucle de 100 km. Un départ place carrière, une arrivée place carrière, avec 8 PC répartis sur la boucle. Ben, vous êtes invité à nous rejoindre en tant que bénévole, si vous le souhaitez. Et puis, que dire d'autre par rapport à la question du droit des femmes, on est mobilisé actuellement sur cette question pour qu'on ne reparte pas à nouveau avec 300 ans d'inégalité. C'est le mot d'Oxfam actuellement. Pour que le droit des femmes soit respecté et toujours passer le message, répéter le message, il n'y a que ça qui marche. Eh bien, encore un grand merci à vous, bonne suite. On reprendra la main, groupe local, avec des gens en binôme plus. Là, vous étiez beaucoup, c'est sympa. Oui. On va repartager. Bonne suite à vous. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir.